Qu'elle s'attend de moi. Qu'elle s'attend de moi. Je t'ai tout donné, je t'ai tout donné. Mais t'as fait comme moi, t'es retourné à ta monnaie. On passe notre temps à se disputer. On gâche notre temps au lieu de discuter. Non, non. Je n'aime pas quand tous les gens s'en mêlent. Tu ne vois pas que tout ça c'est pour nous freiner. Je pourrais tous les appeler par centaines. Mais au final, à quoi ça servirait? À part me faire virer. Je suppose que mon contrat est fini. Tout est calciné. Pourquoi j'ai aussi peur? Pourquoi c'est aussi fort? C'est aussi fort.